الشيخ مصطفى رحمه الله فيه طوام صالح الفوزان، فذلك بشريط كان بعنوان درس العدة، وكان يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر شعبان لعام 1446، وكان بعد صلاة المغرب. فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العسلين أن هذا الدين قد أجبر على قدوم مقام الفقه الجاهلي في باب الأمر، بين أنه جاء بالانتهاء المقام عن طريق فتح أبواب المفتاحات وغيرها لإلقاء أبواب الموالي للتدريب حتى رفع العبد كفارة ذلك عتقه، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام التدريب كما نرجيكم. هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب المفكرين، ما نقول العلماء، نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين، مع الأسف يقولون دعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب لظلال القرآن، يقول هذا القول أن الإسلام لا يقر الفقه، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألف الرب، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، هؤلاء نعذرهم بالجهل إن شاء الله، ما نقول إنهم لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من تفكير، فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون على الكفار بزعمهم. الكفار يقولون ان الاسلام انه يملك الناس وانه يسترق الناس وانه فارادوا ان يردوا عليهم بالجهل، والجاهل اذا رد على العدو مشكل، يزيد العدو شبهه ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، لا يكون بالعاطفه او يكون بالجهل، يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت، ما يتكلم في أمور خطيرة ولا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا هذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. الإسلام أقر الرق، والرق موجود من قديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية، ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق تكون موجودا، لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، لا في محاباة لأحد ولا في مجاملة لأحد. والإسلام ليس عاجزا أنه يصرح، لو كان الرق باطلا الإسلام ليس عاجزا أنه يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع، ما يتوقف يجامل الناس، يصرح بالباطل، يبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، قال هذا باطل ولا يجوز. الرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله، Ici, nous avons mis un mot de l'éminent cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, qui signalait que l'exégèse de Sayyid Qutb, intitulée « À l'ombre du Coran »,« Fi thilal al-Qur'an », contient des erreurs flagrantes. Il disait, rahimahullah, « Amma tafsir Sayyid Qutb, rahimahullah, fa fihi tawam ». Et puis nous mettons cette fatwa de Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah. Le questionneur. Oh, votre éminence, Cheikh, certains écrivains contemporains pensent que cette religion était obligée d'accepter au début le régime de l'esclavage anti-islamique. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah avait dit, A'udhu Billah, je demande refuge auprès d'Allah. Le questionneur poursuit. Pourtant, il avait introduit son allègement en ouvrant les portes des amendes, al-kafarat et autres, incitant à délivrer obligatoirement parmi les esclaves, graduellement, jusqu'à ce qu'il s'achève. Et il en tire comme conclusion, Cheikh, que l'objectif du législateur était donc de lever ce régime graduellement. Quelle est donc votre orientation quant à ce propos ? Le Cheikh répondit, ceci est une parole fausse, qu'Allah nous en préserve. Même si cela est ressassé par beaucoup d'écrivains et de penseurs, et nous ne disons pas que c'est un propos de savants, mais plutôt celui de penseurs, comme ils les appellent, et malheureusement, ils les désignent même comme des prédicateurs, du'at. Et cette parole figure dans le livre à l'ombre du Coran, de Sayyid Qutb, note du traducteur. Effectivement, voici la citation de Sayyid Qutb depuis son exégèse. Sayyid Qutb avait dit dans son livre Fidhilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran, lorsqu'il expliquait la parole d'Allah Ta'ala, « Wafir riqab », traduction, et dans l'affranchissement des joues, c'est-à-dire des chaînes, il dit ceci lorsque la traite des esclaves était un régime mondial pour lequel la relation entre les musulmans et leurs ennemis se passait de manière similaire et l'islam n'avait pas d'autre moyen que de procéder selon un comportement analogue à ce que fait l'adversaire en attendant que le monde entier reconnaisse un autre système qui n'est pas de l'esclavage. Fin de la citation de Qutb. Il l'avait dit dans Az-Zilal, page 1669, volume 3, et il l'avait répété lors de l'explication de la sourate Al-Baqara, confère le volume 1, page 230, ainsi que dans l'exégèse de la sourate Al-Mu'minun, volume 4, page 2455, et enfin, dans le tafsir de la sourate Muhammad, volume 6, page 3285. Revenons maintenant à la parole et à la réponse de Cheikh Saleh Fawzan Hafidhahullah. Il disait, et cette parole figure dans « À l'ombre du Coran de Sayyid Qutb » fi Thilal al-Qur'an. Il avance ce propos que l'islam ne reconnaît pas l'esclavage et qu'il ne l'aurait maintenu que de crainte que les gens ne se soulèvent et qu'ils ne dénoncent, puisqu'ils étaient habitués à la traite des esclaves. Alors, ils l'avaient gardé par complaisance. Le Cheikh Hafidhahullah commente. C'est-à-dire comme si Allah complimentait les hommes. Fin du clin d'œil de Cheikh Hafidhahullah. Et il continue donc dans l'explication du raisonnement de Sayyid Qutb. Et puis, l'islam avait souligné de lever ce régime graduellement jusqu'à sa fin. Cheikh Fawzan répond donc, ceci est une parole fausse et elle relève de la falsification, qu'Allah nous protège. Ceci est de la falsification et de l'accusation de l'islam. Et s'il n'y avait l'excuse d'ignorance, car ces gens nous les excusons par l'ignorance, nous ne les déclarons pas comme mécréants, koufar, car ils sont ignorants. Ou bien ce sont des imitateurs qui auraient rapporté cette parole sans y penser. Alors nous les excusons comme ce sont des ignorants. Sinon cette parole est dangereuse. Si une personne la profère de plein gré, alors elle aura contracté l'apostat, ridda. Mais nous disons plutôt, ces gens sont ignorants, parce que ce ne sont que des auteurs ou des écrivains. Ils n'avaient point appris. Note du traducteur, Le cheikh veut dire il n'avait point appris la science légiférée, al-ilm shar'i. Fin de la note. Le cheikh poursuit, ils avaient trouvé cette parole, alors ils avaient exulté, pensant qu'ils réfutent ainsi les mécréants, car les koufars lancent ceci, l'islam avait aliéné les hommes, et qu'il les avait mis en esclavage, et ainsi de suite. Alors ces écrivains voulurent leur répliquer, mais par de l'ignorance. Quand l'ignorant entreprend de riposter à l'adversaire, alors celui-ci s'endurcit davantage dans le mal, et il s'attache plus à son égarement. La réfutation doit se faire par la science, non pas par la passion ou par l'ignorance. La réfutation se fait par la science et par la preuve irrécusable. Sinon, la personne est sommée de se taire et ne point parler d'affaires graves qu'elle méconnaît. Bref, ceci est un propos erroné, et celui qui l'avance de plein gré serait un mécréant, kafir, alors que celui qui le prononce par ignorance ou y imitant un autre, il serait excusé par son ignorance. Et certes, l'ignorance est un fléau mortel, qu'Allah nous en protège. Donc, l'islam avait reconnu l'esclavage, qui était d'ailleurs très ancien, se trouvant même dans les religions révélées avant l'islam. Note du traducteur, nous trouvons dans l'histoire de Joseph, alayhi salam, un exemple éloquent à ce propos. La fin de la note. Le cheikh poursuivait. Et il se retrouvait dans les anciennes religions révélées. Et il continue chaque fois que le djihad dans le sentier d'Allah existe. Car celui-là est le résultat de ce dernier. Et ceci est le jugement d'Allah Jalla wa'ala, où il n'y a nul compliment ni flatterie pour personne. Et l'islam n'est pas incapable de dire telle chose est fausse, comme il l'avait déclaré pour l'adoration des idoles, et comme il l'avait dit pour l'usure, et comme il l'avait dit pour la fornication, et comme il l'avait dit au sujet des crimes de Jahiliya, de la période pré-islamique, et ainsi de suite. L'islam est courageux et intrépide. Il ne s'arrête pas pour flatter les gens. Au contraire, il déclare clairement que telle chose est fausse, et il annule de la sorte la fausseté. Ceci est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'esclavage était faux, alors il n'aurait point complimenté les hommes à son sujet. Mais il dirait au contraire, ceci est faux et illicite. Donc l'esclavage est un jugement légiféré qui demeure tant que le djihad continuera dans le sentier d'Allah, qu'il le veuille ou non. C'est bien ça. Et l'esclavage a pour cause la mécréance, al-kufr billah. Donc c'est un châtiment infligé à celui qui persiste dans la mécréance et qui refuse orgueilleusement d'adorer Allah Azza wa Jal. Et il ne se lève que par la délivrance, al-itr. Les savants avaient dit, pour définir l'esclavage, c'est une infirmité en tant que jugement, non pas en tant que fait, qui atteint la personne à cause de sa mécréance. Et il n'a pas, donc fin de la définition, et il n'a pas pour cause que les mécréants avaient fait esclaves des musulmans, donc en contrepartie on agit de façon analogue. Révisez les livres des successions, Kutub al-Fara'id. Et précisément sous le chapitre des interdits de l'héritage, Mawani al-Irth. Et Allah avait appelé l'esclavage Milk al-Yamin. Et il avait légitimé d'en jouir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait joui, ce qui prouve que cela est vrai. La référence de cette fatwa est une cassette audio datant du 4 du mois 8 1416 et que le cheikh Hafidullah avait agréé et corrigé par la suite pour la diffusion.